règle pour le stationnement ne tient pas compte de la situation réelle, mais c'est un principe. Pour être sûr que personne ne gênera un car qui voudrait s'arrêter, il est interdit à tous les autres usagers de stationner ou de s'arrêter sur les emplacements de bus ou de car. Donc, dans les deux situations, il faut chercher ailleurs une place libre qui ne gênera personne. Répondre au téléphone, puis tenir une conversation, détournerait notre attention de l'arrivée d'un car. S'il devait s'arrêter sur la route, cela créerait une situation dangereuse. Réponse B et D.